بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكمل الإكسبليكاسيون دو ليفر لوجي في فقه السنة والكتاب العزيز. La semaine dernière, on avait terminé de traiter le chapitre de Al-Mudarabah. Que signifie Al-Mudarabah ? Que signifie Al-Mudarabah ? L'Uratan ou Sharan ? L'Uratan, c'est le fait de frapper la terre, non ? L'Uratan, ça veut dire le fait de frapper la terre, autrement dit, de voyager. De voyager. Et en islam, ça signifie ? Comme une association, en fait. C'est une forme d'association qui consiste à il y a l'investisseur, il y a le la personne qui travaille, il y a le travailleur, donc une personne qui donne les fonds, qui investit l'argent, et l'autre personne qui utilise cet argent, dont le but de cette transaction est de faire des bénéfices, et que chacun ait sa part, que l'investisseur ait sa part et que le travailleur ait sa part. D'accord ? Et on avait déjà traité ce sujet il y a deux semaines, et la semaine dernière on avait terminé de parler de Mudarabah, et on avait dit qu'il y avait deux sortes de Mudarabah. Il y avait Mudarabah al-Mutlaqa ou al-Muqayyada. Il y a Mudarabah qui est sans condition et l'autre avec condition. Qu'est-ce que ça veut dire avec condition et sans condition ? Un exemple de Mudaraba sans condition. On donne l'argent à une personne. Hein ? Et je dis voilà, écoute, je travaille avec cet argent. Mais sans lui préciser dans quel domaine elle doit travailler. Elle peut faire ce qu'elle veut. Sans condition, c'est lorsque l'investisseur donne l'argent sans donner de restrictions sur l'utilisation ou sur la forme de commerce. Qui sera utilisé ou dans lequel cet argent sera utilisé. Et voilà, tiens l'argent, fais ce que tu veux avec, achète, vends ce que tu veux, au prix que tu veux. Je te laisse carte blanche sur ce point. Donc ici, savoir, on appelle cela al-mudaraba al-mutlaqa, sans condition. Et il y a al-mudaraba al-muqayyada qui, elle, est conditionnée par des restrictions de la part de l'investisseur. D'accord ? Lorsqu'il dit, voilà, moi je veux que cet argent, tu l'investisses uniquement dans tel ou tel domaine. Et mon argent, je te le cède à condition que tu ne voyages pas avec, par exemple, comme on avait donné l'exemple, que tu ne voyages pas avec, que tu ne transportes pas sans par exemple, sans coffre-fort, ou je ne veux pas que tu transportes cet argent la nuit, je veux que tu transportes uniquement le jour, que cet argent, je ne veux pas que lors des transactions que les gens te payent plus tard, mais je veux que lorsque tu vends quelque chose, les gens te payent de suite, etc. etc. L'investisseur a le droit de poser ces conditions car c'est son argent et son dû. Et on avait dit que le travailleur, est-ce qu'il est responsable de l'argent qui lui est confié ou pas ? Autrement dit, si il arrive quelque chose de cet argent, est-ce qu'il doit le rembourser ou pas ? Est-ce qu'il est garant de cet argent ou non ? Oui, non. En fait, oui ou non ? La règle, c'est quoi ? Sauf si c'est dans la Mudaraba avec condition, il est responsable. Il ne respecte pas les conditions. Il est garant, même, en fait. Même dans le Mudaraba sans condition ? Non, avec condition. Même dans le mudaraba, que ce soit dans le mudaraba avec condition ou sans condition, la règle est la même. C'est quoi la règle? C'est que c'est l'investisseur qui est responsable de son argent et qu'en aucun cas le travailleur n'est garant de l'argent de l'investisseur. Sauf s'il ne respecte pas les conditions. D'accord. Sauf dans deux cas, dans le cas où il y a at-tafrit et dans le cas où il y a at-ta'addi. At-ta'addi ou at-tafrit. Et l'auteur a utilisé les termes at-ta'addi ou al-mukhalafa. At-ta'addi, on avait dit que c'était. Non. Fi'lu ma la yajuz, c'est de faire quelque chose qui est interdit. Et al-mukhalafa ou al-tafrit, c'est tarku ma yajib. C'est tarku ma yajib. On avait donné des exemples. Un autre exemple qu'on peut donner. Alaykoum salam wa rahmatullah. Des exemples, il y en a beaucoup. Ala kulli hal, al-ta'addi, c'est le fait de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. D'accord ? Que ce soit en rapport avec les conditions posées par l'investisseur ou non. Que ce soit dans les conditions qu'a posées l'investisseur ou non. Par exemple, si l'investisseur n'a pas donné de conditions. D'accord ? Et que cette personne a prêté l'argent. A prêté l'argent et, par exemple, s'est arrangé avec la personne à qui il a prêté pour avoir du riba, pour avoir de l'usure. Je te prête tant et tu me rendras tant avec un surplus au bout de tel et tel jour. Et si, est-ce qu'il avait quelque chose d'interdit ou pas? Oui ou non? Oui. Il a prêté de l'argent avec riba, avec l'intention de récupérer de l'usure. Qu'est-ce que lui a dit l'investisseur? Qu'est-ce que lui a dit l'investisseur? Il n'a pas donné de condition, il a dit fais ce que tu veux avec l'argent. Mais là, cette personne, ou le travailleur, a fait une chose qui est interdite. Et si cet argent ne le récupère pas, est-ce qu'il en est garant? Oui. Oui, parce qu'il a fait quelque chose d'interdit. D'accord? Et at-tafrit, c'est de délaisser quelque chose qui est obligatoire. De ne pas faire ce qui avait été convenu. Et là, rentre les conditions qu'a posé l'investisseur ou non. Si l'investisseur lui dit, je ne veux pas que tu transportes ou que tu transportes l'argent la nuit et qu'il a transféré la nuit, là elle a délaissé quelque chose qui était obligatoire, c'est-à-dire de ne pas transporter l'argent la nuit. Là il en est garant. Donc si cet argent, il lui arrive quelque chose durant ce transfert nocturne, il devra rembourser l'argent perdu. C'est clair? Ensuite on avait parlé de salam. Qu'est-ce que salam? Louratan. Luratan, as-salamu huwa as-salaf. C'est le fait de prêter. Wa shar'an, et en islam, qu'est-ce que signifie as-salam? Non? C'est le fait d'avancer l'argent et de retarder la marchandise. C'est le fait d'avancer l'argent et de retarder la marchandise. C'est-à-dire que la personne, l'acheteur, donne l'argent en avance de phase et le vendeur donnera sa marchandise plus tard. On avait dit que cela était autorisé dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce principe de as-salam. Et notamment, concernant les gens de Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a trouvés en train de faire as-salam, c'est-à-dire que ils achetaient des dates, ils payaient les dates en avance et avaient les dates bien plus tard. Et le professeur Hassem a dit que cela était autorisé à condition que la durée soit connue, que le poids soit connu et que la mesure soit connue. D'accord? Autrement dit, si cela est respecté, alors c'est autorisé. Si cela n'est pas respecté, alors cela n'est pas autorisé. Ensuite, on avait cité des conditions de Selem, on en avait cité 6, Il y en avait 7 et je vous avais dit que j'allais vous donner la 7e aujourd'hui. Donc les 6, c'est quoi déjà? Les 6 conditions de salam. Savoir ce qui va être le vrai. Non. Al-ilmu bi. Bi. Al-musallam bihi. Et al-musallam fi. Qu'est-ce que le musallam fi? Le musallam fait, c'est la marchandise. On avait dit qu'il y avait al-muslim, qu'il y avait al-musallam ilay. Al-muslim, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui donne l'argent. Et al-musallam ilay, c'est le vendeur. Il y a al-musallam qui est l'argent. Et il y a al-musallam fi qui est la marchandise. La première, c'est de connaître al-ilmu bi al-musallam fi. La deuxième, c'est al-ilmu. La troisième, c'est qabdu thaman, c'est de percevoir la totalité. Le quatrième, c'est que la marchandise ne soit pas existante, mais qu'elle soit décrite. Ensuite, wasfuhu bisifatin tunafi anhu jahalana. C'est le fait de décrire de façon précise, de décrire de façon précise la marchandise. Donc la première, al-ilmu, c'est de savoir ce qu'on va acheter. Et ensuite, c'est la nature, là. Et ensuite, le cinquième pilier, la cinquième condition, c'est d'avoir la description précise de cette marchandise. Ensuite, ça descend. Le sixième, c'est de connaître la durée et l'endroit de la livraison. Au sabi'an, kaunu tahakkuqi wujudihi waqta taslimihi. C'est-à-dire, septième condition, c'est le fait que cette marchandise soit livrable le jour ou le temps le moment qui aurait été convenu pour la livraison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est le sixième, ça c'est le sixième. En fait, c'est de que la marchandise qui est achetée soit potentiellement livrable le jour qui aurait été convenu. Autrement dit, si moi j'achète une tonne de dattes, je paye avant et je dis voilà, les dattes, je veux que tu me les livres le 15 décembre. Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Parce que il n'y a pas de date, ni les dates, la récolte des dates, elle ne se fait pas en hiver. D'accord? Donc il faut que la marchandise soit potentiellement livrable le moment qui aurait été convenu pour la livraison. C'est clair ou pas? Oui. Et ensuite, on avait dit qu'il n'était pas forcément obligatoire que la marchandise appartienne au vendeur, que tu as le droit de faire le salam et d'acheter une marchandise même si le vendeur n'est pas le propriétaire. Même si le vendeur n'est pas le propriétaire de cette marchandise. Et ensuite, on avait parlé du chapitre de Al-Qard. Qu'est-ce que Al-Qard? C'est le prêt. Qu'est-ce que ça signifie en langue arabe avant? Ou Al-Qat'u. C'est le fait de couper, d'amputer. Et en islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de donner de l'argent par compassion. Naam. À qui? À une personne qui est dans le besoin. À une personne qui va l'utiliser, qui est dans le besoin, et qui devra le rendre. C'est ça, le prêt. Et pourquoi est-ce qu'il était appelé le prêt? Pourquoi est-ce qu'on parle de couper, amputer? Car non, il ampute de son argent pour prêter à celui qui est dans le besoin. On avait parlé des mérites du prêt. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui soulage un musulman d'une difficulté dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera le jour du jugement. Et on avait aussi cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui prête deux fois, c'est comme s'il avait donné une fois en aumône. Et on avait cité le sens d'autres hadiths, que celui qui prête une somme, cela revient à avoir donné la moitié de celle-ci. Cela revient à avoir donné en aumône la moitié de celle-ci. Ensuite, on avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamnent et qui mettent en garde de façon très forte contre l'endettement, le fait d'être endetté. Qui peut citer quelques hadiths qu'on avait cités la semaine dernière ? Qui montre la gravité de la dette. Par exemple, celui qui ne donne pas l'argent de la dette, comme s'il a fait le sida, et celui qui est en train de ne pas l'argent sur le rang, c'est comme si c'est un voleur. Ahsan, que celui qui se marie en ayant l'intention de ne pas donner la dot, il est considéré comme étant fornicateur, et celui qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rendre est considéré comme. Comme un voleur. Non. Afin que le professeur Asselem s'abstenait de prier sur ceux qui étaient endettés. Oui. Évidemment, il y avait une révélation. Il y avait une révélation lors de. Ça n'a plus jamais été. Non. Le hadith d'Abu Huraira, non. Il avait dit que si la personne elle mourait trois fois dans le sentier d'Allah, et bien ça. Non, que le professeur, il a été révélé une chose qui était dure. Et le professeur Hassan, par sa dureté, a mis sa main sur son front et a levé son visage vers le ciel et a dit Ma anzala min at-tashdid, subhanallah, ma anzala min at-tashdid. Les compagnons d'Allah al-Hum ne lui ont posé la question que le lendemain. Et le professeur Hassan a dit que si une personne mourait dans le sentier d'Allah, était tuée dans le sentier d'Allah, puis était ressuscitée. Puis était tué dans le sentier d'Allah, puis était ressuscité, puis était tué dans le sentier d'Allah, elle ne rentrerait pas au paradis tant que sa dette ne sera pas remboursée. Tant que sa dette ne sera pas remboursée. Et d'autres hadiths qui vont dans ce sens, à savoir que celui qui est tué dans le sentier d'Allah, qui était sincère dans son combat, qui n'a pas tourné le dos et qui est mort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne rentrera pas au paradis à cause de sa dette, s'il est endetté. Il ne rentrera pas au paradis à cause de sa dette, s'il est endetté, jusqu'à ce que sa dette soit remboursée pour lui. طيب, on s'est arrêté ici. يقول المؤلف من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. Celui qui prend l'argent des gens en voulant rembourser, avec l'intention de rembourser ou non. An Abi Huraira رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. حديث صحيح رواه البخاري وعن شعيب بن عمرو قال حدثنا سهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا فهو مجمل على أن لا يوفيه إياه لقي الله سالقا. حديث حسن صحيح. Selon أبو هريرة رضي الله عنه il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui prend l'argent des gens, man akhadha amwal an-nas, en voulant le rembourser ou le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala remboursera pour lui. Et celui qui le prend en voulant le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte, atlafahu Allah, fera en sorte qu'il soit perdu. Allah subhanahu wa ta'ala l'égarera et il sera perdu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Dans ce hadith, le professeur Hassan a dit « Man akhadha amwal an-nas » celui qui prend l'argent des gens. C'est-à-dire le prendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'argent des gens? Non? Pas forcément. Emprunter, c'est un des sens. Un des sens de prendre. C'est-à-dire de le prendre dans un cadre licite. Et tu peux prendre l'argent des gens dans un cadre licite, pas forcément que dans le prêt. L'investissement, par exemple. Si tu fais le monde arabe avec quelqu'un, l'investisseur va te passer de l'argent. Donc tu vas prendre l'argent. Ou par exemple, celui qui va te laisser un dépôt. On verra, il y a le chapitre de ça. Elle va dire, c'est le fait de laisser quelque chose en dépôt chez quelqu'un. D'accord ? Donc, quelqu'un qui te laisse un dépôt, donc tu as pris l'argent des gens, tu l'as pris dans le licite. D'autres aussi moyens, par exemple, al-bay' ou al-rahn, par exemple. Al-rahn, c'est une garantie que tu prends lors d'un prêt. Tu as le droit de demander une garantie, et cette garantie, tu as le droit de la prendre et de la garder avec toi. D'accord ? Donc, le hadith du professeur Salem est général, il ne concerne pas de façon précise ou de façon spécifique le prêt. Donc celui qui prend l'argent des gens, en voulant le rendre, le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala le restituera pour lui. Waman akhada est celui qui prend cet argent, en voulant le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il soit perdu et égaré. Dans ce hadith, ou si on traduit littéralement, et celui qui veut le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Celui qui veut le gaspiller, Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Et ici, les savants ont deux explications sur le fait de gaspiller. Allah subhanahu wa ta'ala le gaspillera. Qu'est-ce qu'il gaspillera ? Est-ce que c'est la personne elle-même ? Ou est-ce que c'est l'argent qu'il aura pris en ayant l'intention de ne pas le rendre? Et est-ce que c'est dans la vie d'ici-bas ou est-ce que c'est dans l'au-delà? Les savants disent dans les deux. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce qu'on comprend du hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cet argent, c'est-à-dire que c'est l'argent qui sera gaspillé. Autrement dit, que la personne qui aura pris de l'argent en ayant l'intention de ne pas le restituer, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il n'y aura pas de baraka dans cet argent qu'il aura pris, et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne n'en profitera pas, et qu'il a pris cet argent pour en avoir plus et pour l'utiliser à son profit, et bien cela se retournera contre lui, soit dans cette vie d'ici-bas, ou soit dans l'au-delà, ou soit dans les deux, ou soit dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, et il regrettera ce geste qu'il a fait, le fait de prendre de l'argent en abusant de la confiance des gens, en ayant l'intention bien à l'avance de ne pas le rendre, de ne pas le restituer, il connaîtra les mauvais effets de cet acte. Wa an Shu'ayb, et selon Shu'ayb ibn Amr, il dit, Suhayb al-Khayr nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, toute personne qui emprunte de l'argent et est décidée de ne pas le rendre, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala comme étant voleur. Il rencontrera Allah azza wa jal le jour du jugement et sera considéré comme un voleur. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Al-amru bi-ada'i d-dayn. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. L'ordre et l'obligation de rembourser les dettes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Et lorsque vous jugez entre les gens, jugez avec justice. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Quelle belle exhortation que vous fait Allah Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Et le fait qu'Allah azza wa jal dise cela est plus expressif que de dire je vous ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Inni amurukum. Il a dit Inna Allah ya'murukum. Et les savants disent que cette expression montre que c'est quelque chose d'important et qu'Allah Azza wa Jal a utilisé une phrase qui montre d'autant plus et qui montre de façon plus claire l'obligation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner par la suite. Allah vous ordonne an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de restituer et de donner le dépôt à leurs propriétaires ou à ceux ou aux ayants droit, à leurs ayants droit. Les dépôts, l'amanat, c'est jam'u amana. L'amanat, les dépôts, c'est le jam' de amana, de dépôt. Et le dépôt peut être de plusieurs natures. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être le dépôt? Non? Par exemple, ça peut être de l'argent, ça peut être un objet ou une parole. Non, ça peut être un objet, de l'argent ou une parole. De l'objet, quelqu'un te dit voilà, je pars en voyage, voici les clés de ma voiture, prends-en soin et dès que je reviens, tu me la restitues. Ici, il faut restituer la voiture à celui qui te l'a donnée en dépôt. D'accord ? Et de l'utiliser selon les conditions qu'il a fixées. S'il t'a dit voilà la voiture, tu peux l'utiliser si tu as besoin de faire des courses. C'est tout. À part ça, la voiture reste au parking, tu la surveilles à la couleur. Là, tu dois respecter cet engagement et tu dois la restituer dans l'état. Sauf si bien sûr il arrive quelque chose à cette voiture dans lequel tu n'as fait ni at-ta'addi ni at-tafriq, dans lequel tu n'as fait ni quelque chose interdit ou dans lequel tu n'as délaissé aucune chose obligatoire. Pareil pour al-nuqud, pour l'argent, ça c'est clair, et al-aqwal. Al-aqwal, si par exemple quelqu'un te dit passe le salam à un tel. Et que tu acceptes. Tu dis, ok, Inch'Allah, dès que je le verrai, je ne lui passe le salam. Ici, est-ce que c'est une amana ou pas? Oui. Tu as accepté de prendre ce dépôt, et donc tu dois le restituer à celui qui a l'ayant droit. Donc si on te dit, tu passes le salam à un tel, tu dis, ok, Inch'Allah, dès que je le vois, je lui dis. Là, il est obligatoire pour toi de restituer le dépôt à l'autre personne. À dire, voilà, un tel te passe le salam. Après, si tu ne le fais pas, tu es athée. Tu as fait un péché. Si tu vois ou si tu sens que tu ne peux pas le faire ou que la personne, tu ne la vois pas, tu dis, écoute, Akhi, moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. La personne, je ne la vois pas ou j'ai peur d'oublier ou j'ai peur, etc. Je préfère ne pas prendre cette responsabilité-là. Tu fais un péché même si tu as oublié. Rabbana la tu'akhidna inna nasina wakhtana. Voilà, ne prends pas en compte nos erreurs quand il y a une erreur ou quand il y a un oubli. Donc ça, l'oubli n'est jamais pris en compte. Après, lorsque tu t'en rappelles, tu dois le retransmettre. Salam de Abdelrahim de Sartre. Allez, salam. طيب. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Et lorsque vous jugez entre les gens, c'est-à-dire lorsqu'il y a des problèmes entre les gens, lorsqu'il y a des discords, des divergences, alors jugez avec justice. Un tahkumu bil adl. Jugez avec justice. Quel est le jugement avec la justice? Un tahkumu bil sharia. C'est de juger avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به et quelle belle exhortation qu'Allah vous fait. C'est-à-dire qu'ici Allah Azza wa Jal nous fait une exhortation. والموعظة, comme le disent les savants, هي ذكر أحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب. Qu'est-ce qu'une exhortation ? Une exhortation, c'est le fait de citer un jugement en islam et d'accompagner ce jugement par des textes qui encouragent ou qui mettent en garde. Maqruna bi targhibin aw tarhib. D'accord ? Par exemple, le prêt, c'est quelque chose de préférable. Car celui qui prête, cela revient à donner la moitié de ce qu'il a prêté. Ici, tu as fait une maw'idha. Ici, tu as fait une exhortation. Attention, il ne faut pas emprunter de l'argent avec l'intention de ne pas le rendre. Car celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de ne pas le rendre rencontrera Allah comme étant voleur. Ici, tu as fait une maw'idha, tu as fait une exhortation, car tu as cité un jugement et tu l'as accompagné d'un texte qui fait peur. Et l'autre, c'est un texte qui encourage et qui pousse la personne à faire le bien. Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Taïb, quelle est la preuve qu'on doit rembourser la dette dans ce verset ? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur propriétaire. Donc ici, le dépôt, c'est entre dans le terme amana, de l'argent qu'on te prête. حسن القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال يسعى أراه قال طحا فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني حديث صحيح رواه أبو داود وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30,000 أو 40,000 فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد حديث حسن رواه ابن ماجه والنسائي حسن القضاء c'est-à-dire de bien rembourser, d'être bienfaisant lors du remboursement. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, il dit qu'il y avait un homme où le prophète صلى الله عليه وسلم avait emprunté d'un homme un chameau d'un âge bien précis. فجاءه يتقاضاه, et cet homme est venu pour demander son bien, pour demander son bien. Et le prophète sallam a dit أعطوه, donnez-lui. فطلبوا سنه, ils ont demandé l'âge, c'est-à-dire ils ont demandé l'âge du chameau qu'avait emprunté le prophète sallam, فلم يجدوا إلا سنًا فوقها. Et ils n'ont trouvé de chameaux, ils n'ont pas trouvé de chameaux qui avaient ce même âge, mais ont trouvé que des chameaux qui étaient plus âgés. Et donc, qui ont plus de valeur ou pas ? Non ? Il y a plus de valeur, bien sûr. Les chameaux de bas âge ont moins de valeur que les chameaux qui sont plus âgés. Faqala, et le prophète sallam a dit A'touhu, donnez-lui. Faqala, et l'homme a dit A'oufaytani, a'oufallahu bik. Tu as remboursé ta dette, qu'Allah te la rembourse. قال النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن خياركم أحسنكم قضاء. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui remboursent de la meilleure des façons. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallam a donné à rembourser plus que ce qu'il y avait été prêté. Si quelqu'un vous dit, ben, dans ce hadith-là, il y a la preuve que tu as le droit d'emprunter de l'argent à la banque et de leur rendre plus. Car le prophète sallam lui a prêté un chameau et il a vendu un chameau de plus grande valeur. Vous n'avez pas le remercier, c'est un cadeau, vous n'avez pas trouvé. C'est un cadeau, toi aussi, c'est un cadeau que tu donnes à la banque. C'était convenu, c'était pas convenu en fait déjà. C'était pas convenu à l'avance. Non, Hassan, ce n'était pas convenu à l'avance. De l'emprunteur. Car ce n'était pas convenu à l'avance. Est-ce que le professeur Hassan, le jour où cet homme lui a prêté ce chameau, lui a dit je te rendrai un chameau de plus grande valeur et l'autre aurait accepté? Non. Non. Et donc les savants disent qu'il est autorisé de donner plus à celui qui t'a prêté, à condition que cela ne soit pas une condition lors du prêt, que cela ne soit pas un accord lors du prêt. Et les savants rajoutent aussi une autre chose, et à condition que ce ne soit pas la yakuna urfan, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui est de coutume. Non, quelque chose qui est de coutume dans l'endroit où vivent les personnes. Autrement dit, par exemple, il est de coutume chez tel ou tel pays que si je te prête 1000 euros, je te rends 1000 euros avec 2 kilos de sucre. C'est connu. Et si tu ne donnes pas les 2 kilos de sucre, les gens te regarderont de travers et considéreront que tu es quelqu'un de mauvais. Même si tu as remboursé ta dette, tant que tu n'auras pas donné ce surplus ou ce cadeau, tu es considéré comme n'ayant pas remboursé comme il le fallait. Et donc les savants disent qu'il ne faut pas qu'il y ait un accord lors du prêt, mais il faut aussi que cela ne soit pas considéré comme une coutume. Car les savants disent qu'il y a une règle man. لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. Que celui qui est quelque chose qui est connu est considéré comme une coutume, il est considéré comme étant une condition. Il est considéré comme étant une condition. Autrement dit, c'est une condition indirecte. D'accord ? Je te donne ces 2 kilos de sucre. Si quelqu'un dit oui, mais. Et qu'il dit j'ai le droit de donner ces 2 kilos de sucre parce que ce n'était pas quelque chose qui était convenu entre moi et lui. Lors du prêt, je ne lui ai pas dit que je te rendrai ton argent plus 2 kilos de sucre. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Parce que c'est une coutume. Il dit oui. Ok, vous ne vous êtes pas mis d'accord, mais c'était connu de chacun que là où vous habitez, il est connu, il est de coutume que lorsqu'on rembourse, on donne ces 2 kilos de sucre. Donc même si vous ne vous êtes pas mis d'accord directement, c'était déjà d'office, indirectement. Parce que c'est une coutume. Donc cette coutume, elle est... Il ne faut pas l'appliquer. Même si les gens disent que tu es un voleur, disent que tu es ce que tu veux, tu rembourses, tu rends ce que tu as emprunté. Après, tu as le droit de donner, par exemple, quelque chose qui n'est pas de coutume. C'est-à-dire, voilà, moi, je ne te donne pas 2 kilos de sucre. Et ce que je vais te donner, ce n'est pas parce que je contredis la coutume et que je me sens mal à l'aise. Non, ça vient de moi. C'est un geste que j'ai fait de mon propre gré qui n'a rien à voir avec la coutume, rien à voir avec quoi que ce soit, et je te donne telle chose, ou je te rajoute tant d'argent. C'est clair ou pas ? Pas clair. Pas clair. Ah, si, ça peut poser quoi si tu rentres ensuite en conflit avec ces gens-là ? C'est-à-dire, comment ils le prennent mal et ça peut être possible ? Qu'ils le prennent mal. Qu'ils le prennent mal. Vaut mieux la colère de ces gens ou la colère d'Allah ? D'accord, donc ce qui est interdit, c'est de se mettre d'accord le jour de l'emprunt, de dire voilà, tu me prêtes tant, et quand je te rembourse, je te rajouterai tant. Ça, c'est interdit. D'accord ? Maintenant, il y a aussi une autre chose qui est interdite, c'est le jour de l'emprunt, ils ne se sont pas mis d'accord sur un surplus. D'accord ? Mais l'endroit ou le pays dans lequel ils vivent, il est connu que celui qui prête de l'argent, ou celui qui a emprunté de l'argent, lorsqu'il le rembourse, il doit donner un cadeau en plus. D'accord ? Ça, c'est connu dans le pays ou dans la ville où ils vivent. Et le jour du remboursement, il lui donne son argent plus ce cadeau qui est de coutume. Ici, ce cadeau, est-ce qu'ils se sont mis d'accord au moment de l'emprunt ou pas ? Non. Mais il a quand même donné. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Non. Pourquoi c'est pas autorisé ? Parce que c'est la coutume. Voilà, parce que c'est la coutume. Et savants disent que ce qui est connu comme étant une coutume est considéré comme une condition. Al-ma'roufu 'urfan kal-mashrouti shartan. Ce qui est connu comme une coutume est considéré en islam comme une condition, même si ils ne se sont pas mis d'accord sur cette condition le jour de l'emprunt. Après, tu as le droit de donner quelque chose et de bien spécifier que ce n'est pas la coutume et que ce que tu donnes, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui entre dans la coutume. C'est clair ? Et de bien préciser là. Et si ce qui est coutumier n'est pas décrit, c'est-à-dire que c'est coutumier de ne pas rendre une assiette vide. Dans ce cas, tu ne donnes rien. Tu sors de tout doute. Ils sont obligés des fois. Ils sont obligés parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. S'ils savaient que ça rentre dans le riba et qu'ils connaissaient tous les hadiths qui mettent en garde contre l'usure, là, ils laisseraient la coutume derrière eux. C'est pas dans le cas d'un prêt. Par exemple, la personne, elle est venue la visiter, elle est venue avec un cadeau, un gâteau là, dans l'assiette. Elle s'est dit voilà, l'assiette, je vais lui rendre. Mais... Alors, je ne vais pas la rendre vite. C'est pas un prêt. C'est pas un prêt. Ouais. C'est possible de faire ça aussi. Quelqu'un que tu as invité, qui a apporté une pâtisserie. Et tu as dit voilà, c'est de coutume de rendre l'assiette. Et l'assiette, tu la rends. Mais ici, le gâteau, est-ce qu'elle te l'a prêté ? Ou est-ce que tu l'as mangé ? C'est une donation. C'est quelque chose qu'elle t'a donné, elle n'a pas rien en retour. Mais là, on parle d'un prêt. Là, on parle de quelque chose quelqu'un qui te prête quelque chose. Et qui attend que tu rendes cette chose plus un cadeau. Ou si on t'a prêté par exemple des marmites pour faire un manger, donc après tu mets. C'est connu, toi, tu vas pas rendre les marmites vides. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets 2 kilos dessus avec de l'huile. Parce qu'elle les a prêtés là, c'est un prêt. Voilà, c'est un prêt. C'est pas de l'argent, mais c'est de coutume de pas rendre les marmites vides. Toyib. Les marmites, est-ce qu'elles font partie de la baouillette ou pas ? Est-ce que les marmites font partie de Rabaouillette ? C'est quoi Rabaouillette ? Non ? Voilà. Al-Zahab ou Bil-Zahab, ou Al-Fidda Bil-Fidda, ou Al-Sha'ir ou Bil-Sha'ir, etc. Les marmites, est-ce que ce sont des choses dans lesquelles l'usure intervient ? Non. Donc tu as le droit. C'est clair ou pas ? Allez. Et selon Jabir radiallahu anhuma, il dit, je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la mosquée. Qala yas'ar, arahu qala duhan. Il a dit, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la mosquée et a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci deux jours. Faqala salli raka'atayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prie deux raka'at. Wa kana li alayhi daynun. Et j'avais une dette, ou il avait une dette vis-à-vis de moi. Faqadani, il me l'a remboursé, wazadani, et m'a rajouté. Il me l'a remboursé, et m'a rajouté, hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Donc là aussi, il a rajouté, et ce n'était pas quelque chose d'acté, ce n'était pas quelque chose qui était mis en accord au préalable. Et selon Ismaïl ibn Ibrahim, ibn Abdillah, ibn Abi Rabi'a al-Makhzoumi, selon son père, selon son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a emprunté lors de la bataille de Hunayn 30 ou 40 000. Et lorsqu'il est revenu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a remboursé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Barakallahu lak, qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ton argent. Innama jaza'u salaf, la récompense du prêt, al-wafa'u wal-hamd, c'est le fait de rembourser et de remercier. Innama jaza'u salaf, al-wafa'u wal-hamd. Donc la récompense que tu peux donner à celui qui t'a prêté, c'est premièrement de lui rendre son argent, et deuxièmement, c'est de le remercier. Et de remercier en disant l'invocation qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Husn al-mutalaba. An ibn Umar wa Aisha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin, wafin aw ghayru wafin. Hadith sahih, rawahu al-Majah. Husn al-mutalaba, c'est-à-dire de demander de la meilleure des façons. Demander quoi? Le remboursement. Selon Ibn Umar et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande un dû, falyatlubhu fi afaf, qu'il le demande dans le licite. Al-afaf huwa al-kaffu an al-maharim. Al-afaf, ça signifie le fait de s'abstenir des interdits. C'est-à-dire que lorsque tu demandes le remboursement à quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent, il faut que lors de ta demande, tu ne fasses pas de choses qui sont interdites. Il faut le faire dans le licite. C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de l'insulter? Est-ce que tu as le droit de crier sur lui, de manquer de respect, de le dénigrer, etc., etc.? Non. Tu dois le demander dans le licite, en faisant de façon licite. Wafin ou ghayr wafin. Que cette personne te le rembourse ou ne te rembourse pas. Et que ce soit quelqu'un de qui tu sais qu'il va te rembourser ou tu sais qu'il ne va pas te rembourser. Dans les deux cas, lorsque tu demandes, tu dois toujours demander de la meilleure des façons. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Inzar al-mu'sir. Le fait de donner du sursis à celui qui est en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala: wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Wa an Hudayfa radiyallahu anhu qala: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبيع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. وعن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le fait de retarder ou de donner du sursis à celui qui est en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala dit: à celui qui est dans la gêne, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Ila maysara. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. Wa antasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez. Donc ici Allah Azza wa Jal dit: et si celui qui vous doit de l'argent est dans la difficulté, alors accordez-lui un sursis, c'est-à-dire augmentez la période et le délai qui était prévu pour le remboursement, jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de rembourser. Car c'est une personne qui, lorsqu'elle a emprunté l'argent, elle l'a emprunté dans l'intention de le rendre, mais elle se trouve dans une situation financière difficile qui lui rend impossible le remboursement. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à cette personne? Tu vas aller la voir tous les jours? Tu peux la voir tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures. Elle n'a pas l'argent pour te rembourser. Alors, accordez-lui un sursis jusqu'à ce que cette personne ait les moyens financiers pour rembourser sa dette. Et Allah Azza wa Jal encourage même à faire plus, à savoir de d'annuler la dette et de faire une remise sur cette dette par charité. C'est-à-dire de faire une aumône, de considérer cet argent que tu as prêté à cette personne comme étant une sadaqa, comme étant une aumône. Et ceci est meilleur. Et ceci est meilleur pour vous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, si vous saviez. Non. Et selon Hudayfa, il dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, un homme est mort. Il lui a été dit, ma kunta taqul, que disais-tu? Il a dit, kuntu ubayi'u an-nas. C'est-à-dire, je vendais et j'achetais aux gens. Fa'atajawwazu 'an al-munsir. Et j'étais indulgent envers l'aisé, c'est-à-dire celui qui avait de l'argent. J'étais indulgent envers lui. Et j'assouplissais et je réduisais, c'est-à-dire ce que l'on me devait lorsque la personne était en difficulté. Et il lui a été pardonné. Et selon Abi Yusuf, le compagnon du prophète sallam, il dit, le prophète sallam a dit, celui qui aime ou celui qui aimerait être sous l'ombre d'Allah, ou celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de son ombre, qu'il donne un sursis à celui qui est en difficulté, ou bien alors qu'il annule sa dette. Ou alors qu'il annule sa dette. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Il y a autre hadith que le temps n'a pas cité, qu'on a cité pour compléter le sujet. Un hadith apporté par Muslim, qui est sahih Muslim, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man anzara mu'siran aw wada'a anhu anjahu Allah min kurbi yawm al-qiyamah. Celui qui donne un sursis à une personne en difficulté ou qui annule sa dette, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera des tourments du jour du jugement. Des tourments du jour du jugement. Matlul ghani dhulmun. Matlul ghani dhulmun. Qu'est-ce que c'est matlul ghani? On avait déjà cité ce hadith. Qu'est-ce que le matlul? Personne ne s'en rappelle? Retardé. Non, retardé. C'est même plus que retardé, c'est. Non. C'est plus que retardé. Non. Matlul ghani. De pouvoir rembourser. Le matlul, c'est l'esquive. Matlul ghani, c'est-à-dire le retardement ou l'esquive du riche est une offense. C'est-à-dire que le riche qui a emprunté de l'argent, le fait qu'il esquive le remboursement, qu'il dit demain je te rembourse, demain je te donne, après demain, ça s'appelle du matl, c'est-à-dire qu'il retarde et qu'il esquive, d'accord? Alors qu'il a les moyens de rembourser. Ici, cela est considéré comme de l'offense. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم حديث متفق عليه مطل الغني ظلم selon أبو هريرة رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'esquive ou le retardement du riche est une offense. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc al-matl, on a dit que c'est le fait de retarder, d'esquiver un remboursement. Al-ghani, le retardement du riche est une offense. Ici, le terme riche qu'a entendu, qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ghani, est-ce que ça signifie le riche, c'est-à-dire que l'esquive du pauvre n'est pas une offense? Ou est-ce que le terme ghani, ici, riche, veut dire celui qui est en possession ou en possibilité de rembourser la dette? Nous savons dire que c'est le deuxième cas. C'est-à-dire qu'ici, le riche, ce n'est pas celui qui a une richesse, mais c'est celui qui a la possibilité de rembourser la dette. Qu'il soit riche ou pauvre. Même s'il a, il n'a que 100 euros en sa possession et qu'il a une dette de 2 euros, celui qui a 100 euros, il n'est pas considéré comme riche, bien au contraire, mais il a de quoi rembourser ses 2 euros de dette. Ici, il ne doit pas esquiver. Et s'il esquive tout en ayant les moyens de rembourser sa dette, il est considéré comme offenseur, comme faisant de l'offense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'offense, ce sera des ténèbres le jour du jugement. L'offense sera des ténèbres le jour du jugement. Est-ce que tu vois, quand tu fais la dette, tu mets des conditions au niveau du temps. Est-ce que si le temps n'est pas respecté, c'est foutu, genre, tu ne peux plus rembourser? Non, tu peux rembourser. Est-ce que une fois que le délai est passé, c'est une condition? Non, c'est une condition, mais après, tout dépend si la personne a la possibilité de rembourser ou pas. Si elle fait partie des personnes qui sont en difficulté, là, se pique le verset où Allah s'interdit, si c'est une personne comme ça, la ramène. Là, il est considéré comme matl. Il est considéré comme faisant du matl, donc comme offensé, donc comme faisant un péché. Si la personne ne peut pas rembourser on va citer une chance, ça c'est le rahan. Il va venir après, c'est le chapitre d'après. طيب حبس القادر على الأداء إذا امتنع. Le fait d'emprisonner celui qui a la possibilité de rembourser lorsqu'il refuse. عن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حديث حسن رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه. Selon Amr ibn al-Sharid, selon son père, il dit, le prophète sallam a dit, layyu al-wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Layyu, al-layyu, c'est un synonyme de al-matl. Et c'est quoi al-matl? L'esquive et le retardement. Layyu al-wajidi. Al-wajidi, c'est al-qadir 'ala al-ada, c'est celui qui a la possibilité de rembourser. Donc le retardement de celui qui a la possibilité de rembourser, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, donne ou rend licite son honneur et autorise 'uqubatahu, et autorise son châtiment, le fait de le réprimander. Donc le fait que quelqu'un retarde alors qu'il a la possibilité de rembourser la dette, eh bien, cela fait en sorte qu'il est autorisé de faire deux choses. Qu'il rend autorisé de faire deux choses vis-à-vis de cette personne. Premièrement, son honneur est licite. C'est-à-dire que tu as le droit de... Non ? C'est-à-dire quoi l'honneur de quelqu'un ? Non, tu as le droit de parler sur lui. C'est-à-dire, regarde l'autre. Je lui ai prêté ça, il ne m'a pas rendu, c'est un voleur, c'est ci, c'est ça. De parler en mal sur cette personne. Il m'a offensé, il a de l'argent, il ne veut pas me rembourser, il n'est pas bien, etc. etc. Non. Même pour une personne pour laquelle on a travaillé, qui ne nous a pas donné de l'argent. Bien sûr, c'est que ce soit un prêt ou un dû, à partir du moment où la personne a la possibilité qu'elle ne donne pas, tu as le droit de parler sur lui. Comme la Sainte a dit, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Allah n'aime pas qu'on dise à voix haute des choses mauvaises, sauf celui qui a été offensé. Sauf celui qui a été offensé. Et le fait de parler sur lui, c'est un des six cas dans lequel la médisance est autorisée. Pour celui qui est offensé. Celui qui est offensé a le droit de médire celui qui l'a offensé. D'accord ? Irduhu wa uqubatuhu. Et également, il est autorisé de le réprimander. Qui le réprimande ? Le gouverneur. Le gouverneur ou celui que le gouverneur a légué, c'est-à-dire le juge. C'est-à-dire, il a le droit de l'emprisonner. Et il a le droit de le réprimander. C'est clair ? كل قرض جر منفعة فهو ربا tout prêt qui a engendré un bénéfice alors c'est du riba alors c'est de l'usure tout prêt qui a engendré un bénéfice est considéré comme de l'usure ça c'est une règle Car quelle est la récompense d'un prêt ? Non ? C'est de le rendre et de le remercier. Voilà, c'est ça la récompense. Sauf bien sûr si il y a quelque chose qui est donné en plus de la part de celui qui a emprunté, mais à condition que cela ne soit pas convenu. Ou bien on peut dire, pour que la règle soit plus claire, c'est-à-dire tout prêt qui engendre un bénéfice convenu est considéré comme du riba. Et le bénéfice, quelle que soit la nature du bénéfice, que ce soit de l'argent, que ce soit un service, que ce soit un objet, il ne faut pas qu'un prêt engendre un bénéfice. Non. C'est la personne qui a reçu de l'argent, a l'intention dès le départ de lui donner en plus. Quelqu'un pour elle. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un accord. عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده فقال إنك في أرض الربا فيها فاش وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه وبسلة فيها هدية فاتقي تلك السلة وما فيها حديث أو أثر صحيح رواه البيهقي Selon Abu Burda, il dit, je suis arrivé à Médine et j'ai rencontré Abdullah ibn Salam. Et il m'a dit, viens avec moi dans ma maison afin que je te donne à boire dans un récipient dans lequel a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu prieras dans une mosquée dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. فَانْتَلَقْتُ مَعَهُ Je suis alors parti avec lui. فَسَقَانِي سَوِيقًا Il m'a donné à boire du sawiq. Qu'est-ce que le sawiq ? C'est une boisson, mais une boisson. Une boisson, quel genre de boisson ? Il m'a donné à boire, donc c'est obligé que c'est une boisson. Non ? As-sawiq, c'est en fait, c'est de l'orge. En général, c'est de l'orge grillée et moulue. C'est de l'orge qui est grillée et moulue. Et ensuite, ce genre de farine est mélangé à des dattes ou à autre chose sucrée. Et al-sawir peut aussi être mélangé à l'eau. Et c'est là où il se boit. Car dans le cas précédent, il est mélangé, il est sous forme de farine mélangée à de la datte. Là, c'est plus de la pâte, donc ça se mange. Et il se boit lorsqu'il est mélangé à de l'eau. D'accord ? Il m'a donné à manger des dattes. Et j'ai prié dans sa mosquée. Puis il m'a dit, tu es dans une terre dans laquelle ou dans laquelle l'usure est répandue. Et parmi les portes de l'usure, c'est que l'un emprunte, que l'un d'entre vous emprunte de l'argent jusqu'à un terme fixé. Et lorsque le terme arrive à échéance, cette personne vient rembourser la dette et vient avec Wabi Salla. Qu'est-ce que c'est Salla? Salla. C'est pas un panier, l'origine? Si, c'est un panier. D'où le Kuratu Salla, c'est quoi? Le panier de basket. Non, Kuratu Salla, c'est? C'est le basket. Pourquoi celle-là? Pourquoi le basket? Parce que dans le basket, il y a le panier. Donc, jusqu'au moment où le terme arrive à échéance, il rembourse et vient accompagné d'un panier dans lequel se trouve un cadeau. Et Abdullah ibn Salam a dit à Abi Burda, « Fattaqi tilka salla wa ma fiha » Crains ce panier et ce qu'il contient. C'est-à-dire, ne le prends pas, car ceci sera considéré comme du riba. Atar authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Abu Burda, seulement dit qu'il a été envoyé justement pour aller rencontrer Abdullah ibn Salam. Je crois qu'il a été envoyé par son père. Il parlait de quel terme quand il a dit de répondre à. Je vais faire une recherche pour savoir de quel endroit venait Abi Burda. Bab al-Rahn. Le chapitre de Al-Rahn. Ta'rifuhu. Al-Rahn fi al-lugha al-ihtibas. Min qawlihim rahan al-shay ila dama wa thabat. Wa minhu kullu nafsin. بما كسبت رهينة وفي الشرع جعل مال وثيقة بدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين La définition de الرهن. الرهن في اللغة الاحتباس. الرهن dans la langue arabe c'est le fait d'emprisonner. من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت. C'est le fait d'emprisonner, de garder quelque chose. D'où leur parole, rahana shay ida dama wa thabat. C'est-à-dire qu'il a gardé quelque chose lorsqu'il le laisse et qu'il le garde. Wa minhu, et d'où la parole d'Allah Azza wa Jal, kullu nafsin bima kasabat rahina. Toute âme est prisonnière de. Et totale de ce qu'elle a fait. Autrement dit, la personne sera récompensée en fonction de ses actes. Et que le jour du jugement, tu seras otage de ce que tu as fait. Si tu as fait des choses bonnes, ben, tu seras un bon otage. Et si tu as fait des choses mauvaises, dans ce cas, tu seras un mauvais otage. Et en islam, « ja'lu malin wa thiqatan bidayn » C'est-à-dire, c'est le fait de considérer de l'argent en guise de garantie sur un prêt. يُسْتَوْفَى مِنْهُ إِنْ تَعَذَّرَ وَفَاءُهُ مِنَ الْمَدِينَ Pour que cet argent soit utilisé lorsque le remboursement n'est pas fait. Lorsque le remboursement de la dette n'est pas fait. C'est une caution là. C'est la caution. C'est le fait de donner de l'argent ou de mettre à disposition de l'argent en guise de garantie sur un prêt pour qu'il soit utilisé, c'est-à-dire cet argent, si le remboursement de la dette n'est pas fait. Et il y a une autre définition des savants qu'ils ont donnée. Que dans la société, توفيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. La deuxième définition est plus claire. C'est le fait de garantir un prêt par quelque chose qui pourra être utilisé ou l'argent de ou sa valeur. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer quelque chose, un objet, comme étant une garantie pour garantir un prêt, et on pourra utiliser soit cet objet ou soit sa valeur. On pourra utiliser soit cet objet, soit une partie de cet objet, ou soit sa valeur. Autrement dit, une maison, une voiture ou autre. Je te prête 100 000 euros, mais en garantie, je veux ta maison. Ok, j'accepte. Si jamais tu ne me rembourses pas, je vends ta maison et je récupère mon argent. Ou je prends la maison qui a la valeur de ce que tu m'as prêté. Hypothéquer, c'est en français ? طيب الرهن. Donc concernant الرهن, il y a trois choses. Il y a الرهن, il y a المرتهن, il y a الرهن. الرهن, c'est celui qui donne l'objet de garantie. Autrement dit, c'est celui qui a emprunté. المرتهن, c'est celui qui prend cette garantie. Autrement dit, c'est l'emprunteur. Et il y a Ar-Rahim qui est l'objet considéré comme la garantie du prêt. Ça, c'est, on va dire, les piliers de Ar-Rahim. Ensuite, il y a les conditions. Les conditions de Ar-Rahim, la première, أن يكون منجزا فلا يصح معلقا. C'est-à-dire que ce doit être quelque chose qui soit clair et non pas conditionné. Non. Par exemple, si que ce soit quelque chose qui soit donné, si je te prête, si tu me prêtes 1000 euros, alors peut-être que tu aurais ma voiture en gage si je ne te rembourse pas. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Il faut que ce soit clair. ثانيا ان يكون الراهن جائز التصرف. الراهن c'est qui? Celui qui emprunte. Il faut qu'il fasse partie des personnes qui ont le droit de faire des transactions. Ce qu'on avait vu dans le chapitre de Bayr, qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de faire des transactions, des personnes avec qui tu n'as pas le droit de vendre et d'acheter, comme le fou, comme les enfants, non, comme les personnes âgées qui n'ont plus la raison ou qui ne connaissent pas la valeur des choses, ou, j'avais cité une autre personne, non, l'esclave, parce que celui il vend ce qu'il n'a pas sa possession, mais il y a une autre personne qu'on avait citée, c'est l'insensé. L'insensé, c'est celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. Celui qui est insensé, on n'a pas le droit d'avoir des transactions commerciales avec lui. أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف. Troisièmement, il faut que الراهن soit le propriétaire de l'objet qu'il donne en garantie. Est-ce qu'il a le droit de dire « Prête-moi 1000 euros et en garantie, je te donne la garantie, ce sera la voiture de mon frère. » Il a le droit ou pas ? Il a le droit dans tous les cas ou est-ce qu'il y a des cas où il a le droit ? Ouais, quel cas où il a le droit ? Non, si son frère lui donne l'autorisation. Non, si son frère lui donne l'autorisation, il a le droit. Donc, il faut que celui qui emprunte soit propriétaire de l'objet qui est donné en garantie ou qu'il lui a été autorisé de, s'il n'est pas propriétaire, qu'il ait eu l'autorisation de donner cette chose en garantie. Hein? Son frère se porte bien. Non, son frère lui donne l'autorisation de considérer cet objet comme garantie. Et quatrièmement, il faut que Ar-Rahan, c'est-à-dire qu'est-ce que Ar-Rahan ? La caution soit connue, la nature, la description et la valeur. Il faut que la nature, la valeur et la description du dépôt de garantie soient connues. La caution, c'est pour dire que ce soit le montant que je peux emprunter. Non, ça veut dire que tu as le droit de donner un dépôt de garantie qui est plus grand que la valeur, que le montant que tu as emprunté ou plus petit. Comme tu veux. Comme tu veux, là. Tu as le droit de faire l'un ou l'autre. Et tu as le droit aussi de prendre en caution un objet qui a la même valeur que ce que tu as prêté. Taïm, est-ce qu'il est autorisé de demander la garantie avant d'avoir emprunté ? Dire voilà, quelqu'un vient te dire prête-moi 1000 euros, donne-moi d'abord ta voiture en garantie et après je te donnerai 1000 euros. Ou est-ce que la garantie doit être donnée au moment du prêt ? Non ? Et ça veut dire que tu as le droit avant, pendant et après. Avant, tu as le droit de demander la garantie avant de prêter. Surtout si tu sais que c'est une personne qui ne tient pas ses engagements ou qui est douteuse, tu as le droit de prendre tes précautions. Tu as le droit de prendre le dépôt de garantie au moment du prêt, mais tu as aussi le droit après. Comment faire après ? Dans quel cas on peut demander la garantie après ? Voilà. S'ils se sont mis d'accord sur un délai, le jour du terme, la personne ne rembourse pas. Là, tu dis, mais écoute, je veux bien repousser le délai à condition que tu me donnes telle chose en garantie. Donc là, le dépôt de garantie est intervenu après le prêt. Non, c'est un allongement du délai. Sinon, c'est pas clair, c'est en plein... Mais en fait, c'est après le prêt. Après que l'argent ait été prêté. Mais il demande la garantie lorsque l'argent ne va pas. C'est-à-dire qu'au début, il a prêté sans garantie. Et il a fait confiance. Voilà, je te prête l'argent, je ne veux pas de garantie. Mais le jour du remboursement, il n'a pas remboursé. Là, il dit, voilà, maintenant, je veux bien continuer, mais à condition que tu me donnes... Un gage ou une garantie. Mais avant cette date, tu ne peux pas venir demander un gage. Si, ce qu'on a dit. Tu peux avant, pendant et après. Taïb, concernant Ar-Rahan, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire vis-à-vis de l'emprunteur ou de l'emprunté ? Autrement dit, est-ce que c'est un engagement de part et d'autre ou est-ce que c'est un engagement que d'une partie ? Hein? Que d'une partie de l'emprunteur, Ahsant. Ça veut dire que celui qui a non, de l'emprunteur, c'est-à-dire de l'emprunteur, la personne qui a emprunté, c'est elle qui doit donner le dépôt de garantie. Est-ce qu'il est autorisé à l'emprunteur de rendre? Il a pris l'objet de garantie, puis au bout d'une semaine, il dit, écoute, c'est bon, reprends ta voiture. Il a le droit. Parce que savants disent que c'est un aqd lazim pour le rahin ou pour le murtahin? Pour le rahin. Et c'est un aqd jaiz pour le murtahin. Pour le murtahin. Parce que si c'était un aqd lazim, si c'était une obligation de part et d'autre, il n'y aurait pas eu la possibilité de rompre. Comme Al-Bay'a, par exemple. Al-Bay'a, lorsque la vente est conclue, on avait dit qu'Al-Bay'a, c'est un aqd lazim. C'est un contrat qui oblige les deux parties, qui oblige l'acheteur à acheter ce qui était convenu et qui oblige le vendeur à vendre ce qui était convenu. C'est un aqd lazim min at-tarafayn. Et ici, ar-rahn, c'est un aqd lazim que d'un côté, côté personne qui a, du côté de la personne qui a emprunté l'argent, et non pas de la personne qui a prêté l'argent. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك